Je viens du check, si tu m'aimes pas, un follow me. J'ai trop de buzz, je traîne plus dehors. Je te fends la belle comme toi, Manny. Je fais les papels, mon ami. Qu'une balle qui peut me stopper. J'arrive en décembre comme tsunami. On va voir qui veut me snobber. Un jour, il doute trop de mon existence. À la Kaiser Soze, il faut faire gaffe à ses amis. Et à qui va te déposer. Je fends l'amour et la haine, tu. Je prends un cavale dans la nature. Je ne sais pas, c'est le règlement contre qui font la cul. Tu fais le mauvais, mais on l'a su. Je prends que tu la mérites, la gifle. Jaloux, ils attendent tous ma chute. Pendant ce temps, je fais quoi dans la suite. Moi, j'ai mon flow, moi, j'ai mon style. J'ai rien faire d'autre dans la vie. Ils m'ont blessé, pour ça, je les fuck. C'est un problème, ouais, calme-moi. Quand je suis posé, que j'ai le bop. S'il te plaît, prends pas d'offre de mi. Moi, je suis personne, donc j'ai pas de couille à tenir. Ils m'ont tous voulu du mal. Je les ai même pas en ligne de mire. Pourquoi on fait les vicieux. Des fois, y'a des bas, des fois, des hauts. Manquez-vous, allez, faites les mecs. Vous m'écœurez, j'ai plus les mots. Je vais m'en faire un des l'évêque. Ah ouais, j'écoute du many man. Ah ouais, j'écoute du many man. Ah ouais, j'écoute du many man. Je lui mets pas en l'air, elle ne manque même pas la zone. Moi, c'est qui m'aime. Du many man. Je lui mets pas en l'air, elle ne manque même pas la zone. Moi, c'est qui m'aime. Mon frère n'est pas mon frère, pistolet, 45. Shit gets tricky where we're from, ain't no realness where we're from. The smiling in your faces, they get talking when you're gone. D'accord, yeah. Parfum, va-t'en, pistolet, 45. I'm still posted in the ghetto, huncho, huncho, 101. Excuse me, watch your step, things are different where we're from. I spent days with the fam, thinking about the shit we done. Don't leave your house cause it ain't safe. I might have to bulletproof the ref. Overseas aujourd'hui in Marseille. Back to London, got my wife in the coupe. Don't leave your house cause it ain't safe. I might have to bulletproof the ref. Overseas aujourd'hui in Marseille. Back to London, got my wife in the coupe. Des fois y'a des bas, des fois des hauts. Manquez-vous, allez, faites les mecs. Vous m'écœurez, j'ai plus les mots. Et je vais m'en faire un des l'évêque. Ah ouais, j'écoute du many man. Ah ouais, j'écoute du many man. Ah ouais, j'écoute du many man. Je lui mets pas en l'air, elle ne manque même pas la zone. Moi, c'est qui m'aime. Du many man. Je lui mets pas en l'air, elle ne manque même pas la zone. Moi, c'est qui m'aime.